L'après-midi d'un faune, de Stéphane Mallarmé. Musique, Claude Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune, enregistrement de 1924 par Léopold Stokowski et le Philadelphia Orchestra. Le faune. Ces nymphes, je veux les perpétuer. Si clair leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute. Amas de nuit ancienne s'achève en mains rameaux subtils qui, demeurés les vrais, bois même prouve hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissons. Ou, si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux, faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre tout soupir, dis-tu quel contraste, comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non! Par l'immobile et lasse pâmoison, suffoquant de chaleur, le matin frais s'il lutte, ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte, au bosquet arrosé d'accord. Et le seul vent, hors des deux tuyaux, prompt à s'exalter avant, qu'il disperse le son dans une pluie aride, c'est, à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Au bord sicilien d'un calme marécage, qu'à l'envie des soleils ma vanité saccage, tacite sous les fleurs d'étincelles, comptez. Que je coupais ici les creux roseaux domptés, par le talent, quand, sur l'or glauque de lointaines verdures dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos, et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux, ce vol de cygne, non, de naïade se sauve ou plonge. Inerte, tout brûle dans l'heure fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étalas, trop d'hymen souhaité de qui cherche le là. Alors, m'éveillerai-je à la ferveur première, droit et seul, sous un flot antique de lumière, lisse, et l'un de vous tous pour l'ingénuité. Autre que ce doux rien par leurs lèvres ébruitées, le baiser qui tout bas des perfides assure, mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure mystérieuse due à quelque auguste dent. Mais baste, arcane tel l'élu pour confident, le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue. Qui détournant à soi le trouble de la joue, rêve, en un long solo, que nous amusions la beauté d'alentour par des confusions fausses entre elles-mêmes et notre chant crédule. et de faire aussi haut que l'amour se module évanouir du songe ordinaire de dos ou de flanc poursuivi avec mes regards clos une sonore, vaine et monotone ligne. Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne Syrix, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses et, par d'idolâtres peintures, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté pour bannir un regret par ma feinte éclairée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide et soufflant dans ses peaux lumineuses avides d'ivresse jusqu'au soir, je regarde au travers. Ô nymphe, regonflons des souvenirs divers. Mon œil trouant les joncs d'Ardèche à cancolure immortelle qui noie en l'onde sa brûlure avec un cri de rage au ciel de la forêt, et le splendide bain de cheveux disparaît dans les clartés et les frissons, ô pierreries, j'accours quand à mes pieds s'entrejoignent meurtris de la langueur goûtée à ce mal d'être deux, des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux. Je les ravis sans les désenlacer et vole à ce massif haï par l'ombrage frivole de roses tarissantes ou parfums au soleil où notre ébat au jour consumé soit pareil. Je t'adore, courroux des vierges, ô délice, farouche du sacré fardeau nu qui se glisse pour fuir ma lèvre en feu buvant comme un éclair tressaille la frayeur secrète de la chair. Des pieds de l'inhumaine au cœur de la timide que délaisse à la fois une innocence humide de larmes folles ou de moins tristes vapeurs. Mon crime, c'est d'avoir, gai de vaincre ses peurs, traîtresse, divisé la touffe échevelée de baisers que les dieux gardaient si bien mêlés. Car, à peine j'allais cacher un rire ardent sous les replis heureux d'une seule, gardant par un doigt simple, afin que sa candeur de plume se teignît à l'émoi de sa sœur qui s'allume, la petite, naïve, ne rougissant pas. Que de mes bras, défaits par de vagues trépas, cette proie, à jamais ingrate se délivre sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre. Tant pis, vers le bonheur d'autres m'entraîneront par leurs tresses nouées aux cornes de mon front. Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure, et notre sang, épris de qui le va saisir, coule pour tous les saints éternels du désir. À l'heure où ce bois d'or et de cendre se teinte, une fête s'exalte en la feuillée éteinte. Etna, c'est parmi toi, visité de Vénus, sur ta lave posant tes talons ingénus, qu'entonne un somme triste où s'épuise la flamme. Je tiens la reine, ô sur-châtiment. Non, mais l'âme, de paroles vacantes et ce corps alourdi, tard succombant au fier silence de midi. Sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant, et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins. Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devins.